la croche-oreille. Je vais voir l'arrivée à la télé. Alors salut tout le monde, bienvenue à la croche-oreille, c'est l'aventure sonore chaque dimanche sur les ondes de CKRL le 89.1. Je vous propose ce soir un enchaînement de pièces tirées d'une compilation lancée par le magazine collectif Headphone Commute, un magazine sur le web, un magazine américain en provenance de New York, et tout ça, cette compilation dans le contexte d'une levée de fonds à la suite de l'ouragan Sandy, le plus important ouragan jamais enregistré du côté de l'Atlantique et qui va dévaster une partie des Caraïbes et du littoral nord-est des États-Unis à la fin du mois d'octobre 2012. On dénombre beaucoup de victimes et des pertes évidemment matérielles qui font en sorte que le magazine collectif Headphone Commute va organiser une activité, faire appel à des artistes. Donc, il s'agit d'une compilation de grande qualité mais qui me sert un peu de prétexte, je l'avoue, ce soir, pour vous parler de ce magazine Headphone Commute, un magazine en ligne plutôt intéressant, créé en 2007 par une voix qui souhaite à tout le moins rester anonyme. Alors, c'est un magazine très riche, très diversifié, qui traite des tendances très actuelles qui touchent l'expérimentation sonore et musicale. La gamme des genres couverts comprend l'électronica, de la sono cinétique ou cinématographique, de la sono minimaliste également, bruitiste, du glitch, la liste est longue et je vous l'épargne, vous voyez un peu de quoi on meuble les oreilles du côté de Headphone Commute. Ils sont aucunement associés à des artistes, groupes ou maisons de disques, mais se font les promoteurs de plusieurs artistes, distributeurs, détaillants, groupes d'artistes et de passionnés d'expérimentation sonore. On y retrouve des commentaires critiques, des nouvelles, des entrevues. Franchement, c'est vraiment très riche. Headphone, Commute, vous allez trouver ça facilement sur la toile. Headphone Commute a donc mis en œuvre une imposante compilation d'œuvres sonores, musicales et expérimentales. Il y a plus de 80 titres sur cette compilation qui a été à l'époque vendue au profit des personnes touchées par l'ouragan Sandy. Le produit de la vente ayant été distribué à deux grandes organisations de soutien, soit Médecins sans frontières et The Human Society. Cette sélection gigantesque, je dirais, avec ses 80 titres et plus. Elle est intitulée And Darkness Came, comprend de nombreuses pièces inédites composées exclusivement pour la cause on y retrouve des expérimentations sonores, des sonorités d'ambiance et des musiques inclassables, donc propos fort appropriés pour l'émission. Même si la cause de l'époque est maintenant du passé, on retrouve dans ce regroupement de pièces des artistes et des œuvres d'un beau calibre qui mérite un retour sur les ondes. Toutes les pièces, ou presque, combinent ce soir, vous le remarquerez, ce qui n'est pas coutume. Les pièces sont assorties de tonalités mélodiques, plutôt musicales. On va donc écouter les œuvres qui sont inspirées par la force démesurée des éléments, le vent, la pluie, à ne plus finir, le feu qui serpente le ciel en coups de tonnerre, tout ça conjugué à la fragilité de nos milieux de vie, de la nature et des bêtes qui nous accompagnent lors de tragédies ou de secousses qui sont liées au climat. Et voilà, on débute ça avec une très belle pièce du Polonais Plek. Ça s'intitule « Nos mots sont gelés ». Ce sera suivi des artistes Ostistici, Valgar, Sergerson, Marcus Fischer et Jean Prasse.

Thank you. Alors, c'est l'accroche-oreille sur les ondes de CKRL 89.1, la radio des découvertes sonores. On écoute ce soir une compilation du magazine sur le web qui s'intitule Ed Commute, une compilation intitulée And Darkness Came. Alors, je vous reviens après un bref battement promotionnel. CKRL.UC.CA. Cette semaine en nouveauté au cinéma de Place Sainte-Foy, Le Chant des Noms, Doolittle, Les Hirondelles de Kaboul, Luc Durand Leaving Delhi et Synonyme. Et au clap Loretteville, Bad Boys for Life, Le Chant des Noms, Doolittle et Mauvais Garçon pour la vie. Rendez-vous sur leclap.ca pour consulter la programmation et plus encore. Bon cinéma. Vous avez besoin d'une vidéo. Hugo Dufour Productions peut vous aider à atteindre vos objectifs, que vous soyez une entreprise ou un créateur. Hugo Dufour Productions filme, monte, mixe et planifie une stratégie de diffusion avec vous, selon vos besoins et surtout votre budget. Vous ne savez pas par où commencer? Faites confiance à Hugo Dufour Productions, vidéaste officiel de CKRL, qui vous guidera étape par étape. Rendez-vous sur hugodufour.com pour discuter de votre projet avec lui. Le sang. L'accroche-oreille. Le sang. Alors, je vous rappelle que vous pourrez retrouver toutes les pièces entendues ce soir sur le site lacrocheoreille.wordpress.com. Vous y retrouverez également sur le site le titre des albums, le descriptif de l'émission, nos partenaires ainsi que toutes les émissions disponibles en balado pour écoute immédiate ou en différé. C'est à votre guise et vous trouverez ça facilement, l'accroche-oreille sur la toile. Je vous propose donc ce soir l'écoute de pièces, de magnifiques pièces tirées d'une compilation intitulée And the Darkness Came. C'est une compile d'œuvres sonores, d'œuvres musicales et expérimentales regroupées dans un album de plus de 80 titres qui étaient proposés, vendus à l'époque au profit des victimes de l'ouragan Sandy par l'entremise des organisations Médecins sans frontières et de Human Society. La compilation a été réalisée par Headphone Commute. C'est un magazine en ligne indépendant qui documente et diffuse la musique électronique, les sonorités expérimentales et instrumentales. Depuis 2007, le site propose des critiques d'albums, des interviews d'artistes, des profils d'étiquettes choisies, triées sur le volet des festivals de musique et parfois un podcast. Ma foi, c'est un collectif très dynamique, très intéressant, qui a comme lieu d'origine les États-Unis, New York pour être plus précis. Vous allez les retrouver sur la toile en faisant Headphone Commute d'un seul trait.com. On poursuit donc l'écoute pour la seconde partie de l'émission de pièces tirées de cette fort belle compilation qui date un peu, mais dont l'intérêt demeure, je pense, parce qu'elle réunit de très, très nombreux artistes des quatre coins de la planète. Donc, cette compilation, And Darkness Came, on y retrouve les artistes Somatic Ripons, Pinky, Courtesy Phone, Machine Fabric, et on débute ça avec une pièce de la Britannique Kate Carr, une pièce intitulée Un océan noir comme la nuit.

Alors voilà, ainsi s'achève la croche-oreille sur des sonorités minimalistes, c'est le moins qu'on puisse dire, et très ondulatoires de Machine Fabric, une pièce intitulée Water Spiegel. Alors, je vous invite à jeter un coup d'œil sur le site lacrocheoreille.woodpress.com pour noter le titre des pièces, des pistes entendues ou à reprendre, ou pour reprendre l'écoute sur le balado de l'émission. Vous retrouverez ça facilement sur la toile lacrocheoreille.woodpress.com. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, 21h sur les ondes de CKRL pour une autre aventure sonore de la croche-oreille. Restez avec nous, c'est House & Swing qui s'amène avec Guillaume, Quentin, Pierre, André, Gobeil qui vont vous entretenir pour les deux prochaines heures avec beaucoup d'enthousiasme. Ici Gaëtan Gosselin qui vous salue. On termine ça avec une pièce de Pink Courtesy Phone. CKRL. Communication. Culture.